concert des vents passe, Chantal, soudain ta silhouette passe, Chantal, rien de vous un samedi soir, Chantal, une Allemande quelque part, Chantal, Chantal, oh oui Chantal, Chantal, ta grande bouche quand tu tousses, Chantal, tu suces pas que ton pouce, Chantal, n'écoute pas cette chanson, Chantal, ou je vais perdre une amie de toute façon. Chantal, Chantal, oh oui Chantal, Chantal, tu n'écoutes pas Johnny, Chantal, aimé dans son jauni, Chantal, n'a qu'à prendre une photo, Chantal, tes cheveux sont bien trop gros, oui mais Chantal, Chantal, Chantal, Chantal, Chantal, Chantal, Alléluia de Jeff Buckley. Moi j'ai perdu mes clés. Oui Chantal, oui Chantal. Alléluia, Alléluia.